On va parler avec Bruno Boudreau, notre collaborateur de baseball. Les séries dans le baseball majeur sont débutées. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien. Bruno, on va parler avant tout de j'ai eu le commentaire avec Frédéric Degg, mais je veux voir comment toi tu vois ça. Celui qui veut acheter le club ou qui veut s'associer avec Stuart Steinberg s'en va au clown. Il me semble que si tu veux provoquer quelque chose, si tu veux provoquer des discussions, tu montres les deux en public. C'est assez spécial, hein? C'est Ben oui, puis... rien pour, en tout cas, éteindre les rumeurs, là. Non, exactement. Je pense que ça fait juste bouger, montrer, pardon, que le dossier bouge, qu'il y a une progression, sans nécessairement dire c'est quoi la progression. Mais comme tu as dit, c'est rien pour entendre les rumeurs. Là, on est loin de... si on pense, par exemple, au dossier du retour des Nordiques, là, qu'on dit, bon, faut faire les choses en cachette et tout ça, du côté du baseball, c'est vraiment pas de la même façon qu'on s'y prend. Est-ce que ça va mener à des résultats? C'est à démontrer, mais de voir ça, de voir la présentation qui a été faite aussi à Montréal par Bronfman et tout ça, on voit que le dossier progresse et c'est des signes très encourageants. Et là, évidemment, les Rays n'ont pas été éliminés, donc s'il y a eu des choses de plus à annoncer ou quoi que ce soit, ça aurait pu être fait. Là, leur saison se poursuit, mais est-ce que ça cache une annonce prochaine? Ça reste à voir. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que d'après toi, y a-tu 25 000 personnes au match des Rays contre les Astros de Houston? Ben écoute, si on se fait aux dernières années, ils ont quand même réussi toujours à tirer de près au moins d'une trentaine de mille. Fait que j'ose espérer que oui. Ça va dépendre des deux premiers matchs. Là, si les Astros dominent les deux premiers matchs, c'est 2-0. Des fois, tu vois dans certaines séries les gens qui se présentent pas quand ils voient que la cause est perdue. Mais je m'attendrai à avoir au moins un bon 28, 29 000, moi je pense, pour le troisième match cette semaine. Écoute, c'était Milwaukee, Washington, Tampa, Oakland. C'était deux bons matchs de baseball. Les Nationals l'ont emporté grâce à une erreur et les Rays qui ont battu les A's à Oakland. Les A's, là, sont bons, mais pour gagner le gros match, ils ont de la misère, Ah, écoute, moi, tu sais, c'est une de mes équipes préférées hein? depuis longtemps. C'est une victoire, 15 défaites avec la chance d'avancer depuis 2000. Ouais. C'est pas compliqué, là. C'est match de meilleur deuxième. C'est des séries que tu mènes 2-0, que tu perds 3-2. Il n'y a à peu près rien que cette équipe-là n'a pas fait. C'est un peu le modèle, je pense, aussi. On a déjà parlé par le passé, mais c'est un peu le modèle de Billy Beane. C'est des équipes qui sont bien construites. C'est des équipes qui sont bonnes en équipe. Mais quand tu arrives en série, là, il leur manque souvent le joueur qui fait la différence. Là, tu sais, le gros coup sûr, il n'est pas venu encore cette semaine, là. Ils ont eu un circuit en première manche. Par la suite, remplissent les buts en fin de première. Pas capable d'aller chercher le gros coup sûr qui aurait pu les replacer dans le match. Et puis par la suite, les Rays se sont éloignés. Et c'est un peu le même discours qu'on tenait du côté des Nationals. C'est pas qu'on n'avait pas le budget, mais on disait, coudonc, les Harper et compagnie, Strasburg, qu'est-ce qu'ils attendent pour gagner le gros match? Ben, eux, ils l'ont fait cette semaine. Oui, il y a eu l'erreur du joueur des Brewers, mais avant ça, là, toutes les choses que normalement, puis l'organisation des expos par le passé aussi, avant qu'ils deviennent les Nationals, toutes les choses qui leur arrivaient pas, les erreurs, le bâton fracassé qui donne le coup sûr, tout ce qui arrivait aux autres équipes, mais jamais aux expos Nationals, ben, il leur est arrivé cette semaine. Fait que je me disais, bon, ben, si les Nationals ont pu renverser ça, peut-être que les A's pourraient également, mais non, mercredi, là, vraiment, comme dans plusieurs matchs, là, pas capable de profiter tôt dans le match. Par la suite, l'autre équipe s'éloigne. Puis ça a été la même chose depuis 2010. Puis ils ont perdu contre les Royals en meilleur deuxième. Ils ont perdu l'an passé à New York. Ils ont été dominés à New York. Et ils ont perdu deux fois contre Justin Verlander, 2 années en ligne dans un match 5 contre les Tigers de Détroit au début des années 2010. C'est l'histoire qui se répète, puis c'est là où le gros coup. La seule année, en fait, où j'ai trouvé qu'il y avait une chance, c'est l'année 2014, quand ils ont perdu contre Kansas City et ils avaient été chercher un gars comme John Lester. C'est dommage parce que peut-être qu'avec Lester dans les séries, on aurait pu aller un peu plus loin du côté des A's. Mais cette année-là, vraiment, encore là, il manque beaucoup de bons jeunes, tout ça, mais le joueur d'impact qui fait la différence, c'est pas levé encore une fois. Puis dans un match comme ça, il faut qu'un joueur fasse la différence. Effectivement. L'autre série, ben, c'était une erreur qui a fait en sorte que les Nationals qui ont tiré de l'arrière tout le long du match. Et finalement, à la fin, c'est une erreur du joueur des Brewers qui a fait que les Nationals sont avancés. Oui, puis avant l'erreur, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a eu beaucoup de petites choses qui ont bien tourné pour Washington. Et aussi, ils ont réussi à frapper Josh Hader, qui était le joueur clé en relève du côté des Brewers. Bon, on s'est beaucoup appuyé sur la relève à Milwaukee. Et puis, ils ont juste manqué de gaz là, dans le match le plus important de l'année. OK. Donc, aujourd'hui, il y a 4 matchs. Oui, ben c'est puis le premier vendredi des séries, c'est toujours la même chose. Hein. Les séries commencent à jeudi. Vendredi, il y a 4 matchs. Des fois, le lundi aussi, si les séries se prolongent un petit peu du côté de la nationale. Et hier, écoute, les Dodgers qui battent les Nationals, c'était pas surprenant, là. Je pense que le départ là, de Steven Strasburg aujourd'hui va être important pour les Nationals parce que c'est vraiment pas une série facile pour les Dodgers, mais s'ils sont capables de contenir les bons lanceurs du côté de Washington, puis d'empêcher l'attaque de Washington de fabriquer des points, ils devraient être capables de l'emporter. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'était hier les Braves. Je sais que tu as un intérêt Ah ouais, à cause marqué de. pour les Braves et cette. Cette défaite-là fait d'autant plus mal parce que tu faisais face à Miles Mikolas. C'est plus Flaherty qui est le gros lanceur du côté des Cards et c'est lui qui lance aujourd'hui. Donc, tu avais la chance hier avec un duel de lanceurs qui t'avantageait de gagner. Puis, quand on s'est parlé cet été, Dan, tu avais dit les releveurs acquis par les Braves, ça les aidait. Mais des gars comme Melançon, des gars comme Green, c'était des gros noms sur le marché. Ouais. Mais c'était des joueurs qu'on avait des points d'interrogation sur leur capacité de performer quand ça compte. Puis on a vu Melançon hier qui s'est vraiment effondré en 9e et qui a ouvert la porte aux Cards. Alors j'ai bien hâte de voir si les Braves vont se relever aujourd'hui, mais c'est des courtes séries à des 3-5, comme on dit Ouais. souvent. Donc Atlanta, il faut qu'ils gagnent absolument aujourd'hui pour faire aller à Saint-Louis à 0. Effectivement, parce que tu peux pas te ramasser à 0-2 dans un 3-5, effectivement. Bruno, il y a des petites choses que je veux te parler. Dave Dombrowski était congédié. J'ai oublié de t'en parler en dehors des ondes, mais tu as une opinion sur les Red Sox. Dave Dombrowski était congédié. Puis on se posait toute la question, comment ça se fait, ainsi de suite. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que les Red Sox la haute direction des Red Sox veulent passer peut-être une semi-reconstruction, donc baisser, couper dans la masse salariale. Ça pourrait expliquer bien des affaires pourquoi Dombrowski était congédié. Hein. Oui, puis en fait, l'objectif des Red Sox, ils l'ont dit clairement, ils veulent descendre sur le plafond salarial. Ouais. Fait que c'est un peu ce que les Yankees ont essayé de faire il y a une couple d'années. Puis ça te prend un gestionnaire un peu différent de Dombrowski. Ce qui a été reproché à Dombrowski par le passé, c'était vraiment de vider les filiales pour aller gagner des championnats. Et c'est un petit peu ça. On s'est dit que pour la reconstruction, ça serait peut-être pas le bonhomme en place. Mais en plus, par la suite, on a vu avec l'annonce aussi qu'on va aller sous le plafond. Ça veut dire que est-ce que Mookie Betts va être de retour? Est-ce qu'on va Non. procéder à des transactions? Parce qu'on est quand même haut là, par-dessus la masse du côté des Red Sox. Donc, il y a beaucoup de lourds contrats qui traînent. Ça fait penser un peu les Yankees au début des années 2010 là, avec le contrat des Rod et tout ça. Puis, on a fait vraiment le ménage. Puis on a décidé qu'on passait en dessous de la masse et ça passe par un virage jeunesse. Donc, j'ai bien hâte de voir. Il y a des lanceurs aussi, des vétérans. Rick Porcello sera sûrement pas de retour parce qu'on n'aura pas justement les 10, 15, 20 millions qu'on donnait à des joueurs peut-être un peu plus moyens par le passé. On va essayer de mettre des jeunes à la place. Mais on a tellement liquidé les réseaux de filiales que ça se pourrait que ça soit un petit peu plus difficile que ça l'a été, par exemple, à l'époque pour les Yankees qui avaient un réseau un petit peu plus profond. Effectivement. Bruno, go, merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Toujours un plaisir, Dan. Bonne Notre semaine. ami Bruno Boudreau qui nous parlait des séries dans le baseball qui débutent aujourd'hui.